Moi je n'étais pas là, mais déjà tu m'aimais, maman. Les mots n'existaient pas, y avait même pas d'avant. Pourtant, tu savais que j'étais le cœur qui désormais tout le temps rythmerait tes printemps jusqu'à la fin des temps. Maman, je suis né un matin et déjà dans tes mains, maman. La vie avait des yeux couleur de mes yeux bleus. Enfant, j'étais bien, j'avais faim, je croyais en demain. Souvent, tu jouais à mes jeux, on était tous les deux. Maman, tu m'as appris l'amour sans attendre en retour. Maman, les regrets et les peurs, les petits maux du cœur, le sang, les sourires que l'on goûte un peu comme un 4 heures. Content, tu as fait de ma vie le plus beau de tes jours. Maman, moi je ne savais pas qu'être seul dans tes bras, maman, n'avait qu'un temps, pourtant nous étions d'innocents amants. Tu étais mon printemps, nous nous aimions tant et tant. Que respirer sans toi, c'était mourir sans foi. Maman, tu m'as pas vu pousser, t'as pas vu mes années, maman. Mes regards, mes soupirs, mes rires, mes délires d'enfant, lentement s'évanouir et fleurir au plaisir des grands. Tu m'as pas vu fouler notre amour sous nos pieds. Plus au bois où l'amour a parfois, maman, un petit goût de pomme, rien ne sera plus comme avant. Je suis seul bien des fois, tu sais, je pense à toi souvent. Nous n'irons plus aux pommes puisque je suis un homme, maman.